Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre émission du Podcast Auto. Notre avant-dernier segment de 30 minutes pour la radio et ben pour ceux qui nous écoutent en podcast, ben c'est aussi l'avant-dernier 30 minutes. On fait celui-là, puis on en fait un autre après ça. On prend une pause bien ou moins bien méritée. Mais ce soir avec moi, j'ai trois amis, ou ben amis, c'est vite dit. Il y en a un dans la gang, en tout cas, je suis pas trop sûr, mais je vais commencer par mes vrais amis. Martin Sagala, salut Martin. Salut. Il y a aussi Jean-François Beaulieu, salut Jean-François. Salut. Et puis il y a aussi le gars que je suis jamais trop sûr comment le prendre, parce que des fois il me fait des plaintes dans le dos, des fois c'est bizarre notre relation. Et j'ai nommé Jean-Benoît Gagné. Salut Jean-Benoît. Et je me croisais les doigts pour être dans les deux premiers. Meilleure chance la prochaine fois. Ben oui, c'est ça. Alors messieurs, vous allez quand même plutôt bien? Ben oui. Et toi? Non, quand même. Ça va. Ça allait. petit inconvénient pendant les vacances, le portable que j'utilisais pour faire mon montage vidéo et audio et tout ça a décidé de rendre l'âme. C'est le fun parce que je suis allé là, on va tomber comme si c'était un podcast techno. Écoutez, réalité augmentée. Non, mais c'est bizarre parce que je suis allé justement pour me magasiner un nouveau portable. Puis finalement, j'ai décidé de mettre ça sur la glace. Mais je parlais à un monsieur, je suis pour un magasin dont je nommerai pas, mais dont le logo est rouge. Et dans le titre, il y a Futur et il y a aussi Shop. Et puis le gars me disait mais j'avais un HP, puis il est mort, c'est en dedans de 2 ans et demi. Je trouve ça vite un peu. Il dit ah, ouais, quel modèle t'avais? Il dit ouais, c'est un AMD. Ah, c'est-tu un DV6 ou un DV7 que t'avais? Je le regarde avec des yeux croches. Il dit oui. Il dit ah, il dit, c'est connu avec ça. Il dit c'est Windows qui a fait sauter ton laptop. Je le regarde, comment ça? Il dit Windows 7 travaille tellement fort. Avec des processus en arrière-plan, même quand tu fais rien, que ça fait surchauffer le CPU, puis les laptops sont plus faciles à faire surchauffer à cause que tout est vraiment empilé dans un espace très restreint. Il dit, ben c'est de la faute à Windows, son laptop est mort. Il dit, on a eu plein comme ça. Il dit, puis il n'y a aucun recours nulle part. Je dis, ah ben merci beaucoup, mais je veux plus d'HP pareil. Mais bon, c'est ça. Mais que je me suis ramassé quand même à attendre parce que ça coûte cher un laptop, finalement. Puis j'ai puis j'ai un PC que je peux me servir dans le sous-sol. Donc j'ai un nouveau setup qui est quand même mieux. J'ai deux écrans et tout ça. C'est quand même mieux que le portable. Mais le portable était pratique parce que je peux faire ça partout. Puis l'une des dernières choses qu'il a faites, c'est venir avec moi en voyage au Nouveau-Brunswick la semaine passée. Puis finalement, il a rendu l'arme. Il a peut-être pas aimé le décalage, des choses comme ça. Mais bon. Que voulez-vous? C'est ça. C'est plate, mais c'est des choses qui arrivent. Donc, toutes les vidéos que j'avais de montage pour la Focus ST puis la Ford Fusion étaient sur le disque dur de ce portable-là. Donc, ça va être un peu plus long avant que ça soit mis en ligne parce qu'il faut que je réussisse à récupérer les informations. Là, ça se fait. Là, c'est pas perdu à jamais. C'est juste un peu plus compliqué parce que les mots de passe étaient différents puis ces choses-là d'un compte à l'autre. Ça va être d'aller chercher les informations, mais si vous voulez voir les deux essais, là, ça va apparaître sur le site du Podcast Auto dans les prochaines semaines. Ça allait faire un tour sur mon canal YouTube aussi. Mais bon, c'est ça. On va arrêter de pleurer sur notre sort et puis on va commencer ce beau programme. Je vais commencer ça avec le dernier essai que j'ai fait et probablement le dernier essai que je ferai, si on en reparlera dans la prochaine émission, qui était la Ford Fusion hybride. Si vous vous rappelez, je vous disais dans la dernière émission que j'avais versé une petite larme parce que mon dernier essai était supposé être une magnifique Ford Mustang GT 2014. C'était le modèle bleu qu'on voit arriver à 1000 de distance avec le toit en vitre et tout ça, manuel 6 vitesses. Il me semble que j'aurais eu bien du plaisir avec ça, mais bon, rumeur est qu'il y a beaucoup de monde avant moi qui ont eu beaucoup de plaisir avec. Qui fait qu'il n'y avait plus de pneus arrière dessus, donc ils ont dû l'enlever de la route, mais ça, c'est des choses qui arrivent. Donc, je me suis ramassé avec une Ford Fusion SE hybride. Sur le coup, quand je l'ai eu, j'étais comme, bon, déçu, mais j'ai passé une super belle semaine avec cette auto-là. J'ai vraiment été surpris. J'ai toujours aimé la Fusion. Là, je trouve que l'ancienne Fusion était quand même très belle. C'est une voiture qui a eu beaucoup de succès pour Ford. Ils en ont vendu des tonnes de copies. Même la flotte pour la compagnie que je travaille en ont. On a des Fusions dans notre flotte. Les techniciens et les spécialistes se promènent avec ça sur la route. Puis c'est des voitures qui se sont révélées fiables et tout ça. Puis je la trouvais belle, surtout dans les dernières années, ils avaient refait la calandre un peu, puis c'était vraiment joli. Mais là, ils ont vraiment refait la fusion au complet pour, il me semble que c'est 2012, si je me rappelle bien. Puis c'est totalement différent, là. Si on regarde la calandre, c'est vraiment européen. C'est le nouveau look de Ford avec la calandre, bon, Aston Martin, que le monde dise, mais je trouve que c'est vraiment joli. Les lignes sont vraiment superbes. La voiture est, bon, elle paraît grosse, elle n'est pas si grosse que ça, mais c'est une berline intermédiaire. Bon, c'est quand même une voiture 5 places, puis 5 places confortables. J'aime beaucoup le look, j'aime beaucoup les phares haute densité qu'ils ont mis en avant. On a des phares anti-brouillard. La ligne de toit est vraiment superbe. À l'arrière, bon, c'est pas trop. Les phares sont. Les feux de position sont pas trop gros. Ils sont vraiment bien positionnés. Je trouve qu'ils ont donné vraiment un beau look à cette voiture-là. Mais où elle brille vraiment, à part son look extérieur qui est comme totalement différent. Puis c'est une des plus belles berlines sur le marché. Je vous dis pas que c'est la plus belle, mais c'est vraiment une, peut-être des trois plus belles berlines sur le marché, à mon avis, à moi. Il y a la Kia Optima que je trouve vraiment magnifique. Puis il y a aussi la nouvelle Mazda 6 qui est incroyablement jolie, qui est probablement la première dans mon top 3. Ça serait probablement la Mazda, la Ford Fusion, puis après ça, la Kia Optima. Mais c'est ça. C'est des styles complètement différents. Des quoi? C'est des styles complètement différents. Ouais, c'est ça. C'est des styles différents, mais ça reste qu'ils jouent dans la même catégorie. Puis à mon avis, c'est les trois plus belles. La Honda Accord est super belle aussi. J'aime mieux le coupé Accord que la version 4 portes. Mais bon, fait que la Fusion qui a vraiment évolué, mais ce qui est vraiment différent, c'est l'intérieur de cette voiture-là. J'ai été vraiment surpris à comment confortable l'intérieur est, puis comment ils ont mis le souci du détail. Quand j'ai essayé la Ford Focus ST, je trouvais, si on regardait entre le plastique qui est dans la porte puis le pilier, on voyait un espace où on voyait la couleur extérieure de la voiture, puis ça, je trouvais ça plus ou moins inacceptable, là. On devrait pas voir si évident, ça devrait pas être si évident que ça de voir la couleur extérieur de l'auto à l'intérieur. Puis ça, c'est vraiment flagrant. La Fusion, on n'a rien de ça. Le souci du détail est vraiment incroyable. On a des appliqués de chrome. Bon, c'est du plastique, on va s'entendre, là. Il n'y a pas de chrome et de bois là-dedans, ni de titane, là. C'est vraiment tout du plastique de couleur, mais c'est vraiment bien fait. Ça n'a pas l'air bas de gamme, ça n'a pas l'air bon marché. C'est vraiment une voiture qui a un look intérieur soigné. J'avais des sièges en cuir chauffant. Bon, ajustable électrique des deux côtés, c'était vraiment très bien. Le volant ajustable hauteur télescopique. Le tableau de bord, vraiment super joli. C'est tous des plastiques souples. C'est pas des plastiques durs qu'on retrouve. C'est vraiment des plastiques souples à peu près partout. Fait que ce qui est vraiment très bien. Puis ça donne vraiment un look haut de gamme. Puis on a l'impression qu'on est dans un véhicule beaucoup plus cher qu'on est vraiment, là. C'est vraiment intéressant. Comme je disais, des appliqués de bois, c'est pas du bois, c'est du plastique, mais juste le détail qu'il y a, il y a comme du grain de bois, c'était couleur un peu peut-être merisier, c'était vraiment super joli. Fait qu'il y avait ça, il y avait du titane dans la console centrale, la couleur titane dans la console centrale, le chrome et tout ça. Quand on regardait le tout, ça faisait vraiment haut de gamme, c'était vraiment super joli. La position de conduite était vraiment super confortable. Avec justement des sièges puis du volant et tout ça. Les cadrans, bon, ben on a beaucoup d'électronique, de cadrans numériques pour aider à la conduite dans cette voiture-là. On a, bon, tu sais, les feuilles d'efficacité, on a, comme dans les modèles, bon, hybrides puis les modèles électriques de Ford, on a les feuilles d'efficacité qui nous dit comment on conduit. Plus on a de feuilles sur notre arbre, mieux on conduit. Plus l'arbre est dénudé, ben posez-vous des questions. Vous êtes peut-être un petit peu dur sur la pédale d'accélération. On a notre degré de récupération d'énergie au freinage. Donc si on freine bien et si on se prend d'avance quand on arrête soit dans la circulation ou soit à un stop ou une lumière rouge, on récupère de l'énergie, puis cette énergie-là, on s'en sert pour recharger la batterie puis pour nous faire redémarrer sur une lumière rouge ou un stop, peu importe. Donc ça fonctionne très bien. C'est un système qui a été que j'ai vu dans plusieurs Ford. J'ai vu dans le C-Max, j'ai vu dans le C-Max hybride, qui est une version hybride, le C-Max Energy dans la fusion aussi. Donc, ça fonctionne très bien. Puis, comme je disais avant, c'est comme un peu comme un jeu. On veut que notre arbre soit plein de feuilles, puis on veut récupérer 100% de notre énergie, puis on veut essayer d'avoir, de toujours rouler le plus possible en mode électrique et non pas en mode essence. Bon, avec une voiture, avec la version énergie de la Fusion ou de la C-Max, c'est plus facile parce qu'on a une autonomie d'à peu près 30 km en total électrique. Mais après ça, plus on accélère rapidement ou plus si on conduit moins bien, ben, cette autonomie-là va descendre. Si on conduit mieux, ça peut être un peu plus long. Mais bon, on a plus de chances de rouler en électrique. Avec un modèle hybride, si on est un peu dur sur la pédale à essence, d'accélération, si on pèse un peu trop, ben on va tomber sur le moteur à essence. Le moteur électrique va débarquer, puis ça va être le moteur à essence qui va prendre le dessus. C'est une transmission CVT qu'il y a sur la fusion hybride. C'est pas une transmission à 6 vitesses comme si vous achetez une fusion régulière. C'est une transmission CVT. C'est plus facile de faire travailler un moteur électrique et un moteur à essence avec une transmission CVT. Dans les modèles hybrides, il y a seulement Kia puis Hyundai qui ont une transmission automatique à 6 rapports ou à 6 vitesses là, sur leur modèle hybride. Les autres, c'est pas mal toutes des CVT. Parce que ça se travaille mieux, c'est un peu plus simple de transférer le couple là, d'un moteur à l'autre. Donc, on travaille avec une transmission CVT. C'est pas fatigant vraiment. Là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas la transmission CVT, mais bon, dans une voiture comme ça, c'est pas une voiture de performance. Fait qu'on passe pas notre temps à vouloir accélérer plus vite ou tout ça. Du moins, c'est pas vraiment la voiture qui est faite pour ça. C'est une voiture qui est faite pour économiser de l'essence. Donc, on va essayer le plus souvent possible de rouler en mode électrique. Ça se fait très bien. Moi, j'ai fini ma semaine avec une moyenne de 5.7 litres au 100 km, qui est quand même très bien pour une berline de ce grosseur-là. Bon, les chiffres de Ford, c'est 4 litres au 100 km en ville, 4.1 litres au 100 km sur route. C'est peut-être pas atteignable dans la vie de tous les jours parce que bon, je pense que ces chiffres-là ont été un peu aussi sont un peu hauts. Je penserais pas que ça soit atteignable. Peut-être des tests qu'ils font à l'intérieur avec pas de vent et tout ça, ça se fait peut-être, là, mais dans la vraie vie, attendez-vous, si vous êtes capable d'avoir 5.7, 5.5 litres au 100 km, là, c'est quand même très bien pour une voiture comme ça. Si vous voulez plus que ça, allez vous chercher une fusion énergie. Elle va coûter plus cher. Elle va peut-être coûter 3 000-4 000 $ de plus. Mais vous allez avoir à peu près 30 km d'autonomie avec une pleine charge. Puis vous allez peut-être descendre. Moi, j'ai réussi à, avec la C-Max Énergie, j'avais réussi à avoir 3.8 litres au 100 km. Donc ça se fait. Mais faut savoir, êtes-vous prêt à aller chercher... à dépenser ce montant-là de plus pour avoir l'autonomie un petit peu plus, le 3.8 litres au 100 km. Ça dépend de votre style de conduite, ça dépend de votre trajet, ça dépend de beaucoup de choses. Une voiture hybride, si vous faites beaucoup d'autoroutes, c'est pas nécessairement la meilleure chose parce que vous allez passer la majeure partie de votre temps sur l'essence. C'est sûr, si vous conduisez bien, la batterie a le temps de se recharger, si vous n'êtes pas trop demandant, vous pouvez faire un peu de route à 100 km/h en mode électrique sur l'autoroute quand la batterie est pleine charge. Il n'y a aucun problème avec ça, mais vous ne le ferez pas longtemps. Vous allez peut-être faire 1 km, 2 km, puis après ça va retomber en mode essence. C'est pas la meilleure chose, comme on disait dans la dernière émission. Des fois, le diesel est une meilleure option si vous faites beaucoup de route qu'une voiture hybride. Mais si vous faites de la ville, vous faites beaucoup de villes, vous êtes souvent dans le trafic, les voitures hybrides puis les voitures électriques, c'est un bon choix. Bon, combien ça coûte? Ben, le prix de base de la fusion hybride, c'est 30 000 $, là, 29 999. Dans mon modèle d'essai, j'avais un magnifique 6 200 $ d'options qui amène le prix de l'auto à 37 749 $. Ça inclut transport et manutention. Là, mais là, j'avais ensemble grand luxe avec les sièges chauffants. J'avais pas. On est habitué chez Ford d'avoir les petits miroirs d'angle mort. Je pense que t'as sûrement ça, Jean-Benoît, dans ta Fiesta. Oui, exactement. Les petits miroirs d'angle mort. Les petits miroirs des deux côtés. Là. C'est ça. Ça, c'est à la mode depuis 2010 que Ford a ça sur certains de ses modèles. Dans la fusion hybride que j'avais. J'avais pas ça. J'avais des petits. C'est des détecteurs. Fait que c'est finalement des senseurs qui sont dans la carrosserie, là, qui détectent les voitures dans l'angle mort. Puis une petite lumière qui s'allume dans le miroir ou dans le rétroviseur là, pour dire qu'il y a quelque chose dans votre angle mort. Fait que c'était un peu différent. Mais ça fonctionnait très bien. Là. Il y avait aussi un système de détection de changement de voie. Si je m'approchais trop proche d'une ligne, la ligne, on voit la voiture entre deux lignes vertes quand on est au milieu. Si on s'approche trop d'une ligne ou de l'autre, elle devient jaune. Puis si on passe par-dessus, elle devient rouge, comme quoi qu'on n'est plus dans notre voie. Donc si on regarde ça, on peut savoir qu'on a changé de voie. Mais souvent, si vous faites ça, vous êtes peut-être en train de texter ou parler au téléphone. Vous verrez peut-être pas le petit indicateur sur l'écran, là, mais c'est là pour vous aider aussi. Bon, c'est ça, j'avais l'aide à la conduite grand luxe, j'avais la navigation et tout ça. J'avais aussi le système de stationnement, d'aide au stationnement de Ford que j'ai pas eu la chance d'essayer sur la Fusion. Ben, j'ai eu la chance de l'essayer sur la Fusion, mais c'était pas dans des conditions optimales. Là. C'était comme à l'épicerie. Me stationner en parallèle à l'épicerie parce que à l'épicerie où ce que je vois, il y a des stationnements sur le côté de la bâtisse. Donc, c'est comme un stationnement parallèle. Je voulais montrer à ma conjointe qu'est-ce que ça faisait, le stationnement actif. Mais je l'avais essayé vraiment dans des vraies conditions en ville sur une Ford Focus il y a quelques années. Puis ça fonctionne vraiment très bien. Là, c'est à savoir si vous voulez avoir, si vous voulez payer le montant de plus. Moi, j'ai sur la feuille de Ford, la feuille de prix de la voiture, ça marque que c'est 600$ le stationnement actif, mais je sais pas si on peut juste avoir ça ou si ça prend une accumulation d'autres ensembles. D'après moi, ça prend l'ensemble techno avec le MyFord Touch, puis l'écran et tout ça. Puis après ça, on peut avoir l'option. Fait que c'est peut-être 1200-1300$ en tout. Là. Mais si ça vous intéresse, regardez ça avec votre concessionnaire. Mais ça fonctionne très bien. Mais pour payer, je sais pas, un 600-700$ de plus, faut faire du stationnement parallèle pour la peine, là. Si vous allez à Montréal ou dans une ville où ce que vous avez besoin de faire des stationnements parallèles une fois par année, pratiquez-vous avant d'y aller ou stationnez d'un stationnement payant. Si vous n'êtes pas capable, je vous dis c'est peut-être pas nécessairement l'option à vous acheter, mais si vous faites ça à tous les jours, vous êtes tanné, ben ça fonctionne super bien. C'est juste ça prend du monde quand même assez courtois parce que par le temps que vous avez montré à l'auto comment détecter, on avance tranquillement. À partir de la première auto, on dit, puis on voit notre espace en avant, on dit bon, je veux me stationner. Là, la voiture dit OK, avancez, puis elle va détecter s'il y a assez d'espace pour mettre la voiture entre les deux autres voitures. Mais ça, il faut rouler tranquillement, puis là, on arrive au pare-choc de l'autre voiture, un petit peu dépassé. Puis là, la voiture, elle dit « OK, j'ai de la place, mettez-vous sur reculons. » Puis là, on fait juste contrôler le frein, puis la voiture tourne le volant elle-même pour se stationner. Mais si on a du monde pas courtois en arrière puis qui décide qu'il rentre dans le trou quand vous avez dépassé, ben c'est à recommencer plus loin. Ça prend du monde qui vont vous laisser votre espace de stationnement si vous décidez d'y aller. Des fois, à Montréal, ça arrive. Des fois, ça arrive pas. Ça dépend de la courtoisie de certaines personnes. Parce qu'il n'y a pas trop de trafic, ça fait bien. Ah, des fois, ça se fait pas trop. Mais c'est non, franchement, j'ai beaucoup aimé la Fusion. Je trouvais, à l'intérieur, j'étais super confortable. Toute la semaine, j'ai conduit cette voiture-là, puis je me disais, je pourrais vivre avec ça facilement. Là. C'est vraiment un gros pas en avant. Puis vraiment, on a l'impression d'être dans une voiture là, beaucoup plus chère. Là. Une voiture vraiment, vraiment haut de gamme. Là. C'est sûr, c'est une voiture de presque 40 000 $. À 35 700, on parle de 38 000, presque 40 000 avec les taxes. Et donc, c'est une voiture qui est quand même assez chère, mais on en a pour notre argent. L'intérieur est vraiment super joli. Je trouve qu'ils ont fait un excellent travail avec ça. Si vous cherchez une berline intermédiaire et que vous voulez pas nécessairement la version hybride, ben vous pouvez aller chercher la Fusion régulière, là, les prix sont beaucoup plus bas, puis vous allez avoir une voiture qui est quand même très bien. Là. C'est vraiment un bon produit que Ford nous a présenté avec cette voiture-là. Donc, on va y aller avec Jean-François qui va nous parler de course automobile puis de l'implication des camions dans la course automobile. Oui, exactement. Est-ce que j'écoutais quand tu parlais, ça avait de l'allure? Je vais parler que les camions ne servent pas vraiment juste au transport des véhicules de course, mais ça aussi à la course principalement aussi. Dans ma jeunesse, j'ai toujours aimé les camions, je m'en cache pas. Là, t'aimes plus ça aujourd'hui? Ou? Ben oui, j'aime encore ça. Ouais. Okay. C'est pour ça que j'en parle encore. Je m'en souviens quand j'avais à peu près 5 ans, à peu près. J'ai reçu en une cassette avec plein de courses de voitures. Puis, à la fin de la cassette, il y avait des courses d'accélération de camions à Saint-Laurent. Et puis, le dernier bout, c'était réservé au un jet truck, un camion avec des moteurs à réaction. Il s'appelle le Shockwave. Ce camion-là existe encore aujourd'hui. C'est sûr que ça fait à peu près une trentaine d'années à peu près que ça, qu'il existe ce camion-là. C'est basé sur un camion Peterbilt. Il franchit une vitesse il a franchi le record du monde avec son camion de 605 km/h. Avec 605? Avec son camion. Il faisait pas une livraison avec ça? Ça aurait non, été 30 vraiment. Minutes où c'est gratuit? Ouais, mais je pense pas qu'il peut vraiment virer avec ça. Ouais, c'est les courbes, le problème. Seulement la ligne droite, puis c'est tout. C'est du point A au point B où ça soit une ligne droite, sinon il peut rien faire. Ouais, non, c'est sûr. Dans ce camion-là, il y a trois moteurs Pratt & Whitney, des moteurs de réaction. Puis il fait le quart de mille en 6,63 secondes. Juste ça. Ça doit décoiffer. Ben, je te dirais que quand il commence, ben là, il faut qu'il se réchauffe. Il crache du feu dans ses moteurs, puis il crache tellement que ça sort par les tuyaux d'échappement. Puis c'est des flammes à peu près de 10 mètres de haut, à peu près. Là. Moi, il me semble que j'avais vu une vidéo sur YouTube de ça. C'est pas... Il n'avait pas fait fondre l'asphalte à quelque part? Ah, ça me surprend pas. Fondre l'asphalte avec cracher le feu comme ça, ça n'a pas d'allure, là. Moi, il me semble que j'avais vu ça à une place, puis la piste qu'il y avait, où ce qui avait été faire une course d'accélération, c'était plein parce que il avait fait fondre l'asphalte tout ce... à ligne de départ, quelque chose comme ça. Là. C'est quelque chose d'incroyable de même. Là. C'est fou, parce que puis même, il essaie de faire des courses avec des avions de réaction, des avions de chasse, puis des avions du type les courses Red Bull, des courses, je sais pas comment ça s'appelle, les courses d'obstacles. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, les avions, c'est comme des Cessna, mais avec quand même assez vite. Ouais. C'est des, puis assez. Exact, c'est ça. Puis essayer de faire des courses pour essayer de voir qui est plus rapide. Puis c'est quand même assez. C'est pas évident, les deux vont au même point en même temps. Vont quand même assez vite. Puis il n'y a pas juste le Shockwave, mais le Super Shockwave, qui lui est un petit peu plus petit. Lui, il a été bâti sur un Chevrolet. C'est une cabine de Chevrolet 1957. Puis lui, ce camion-là est capable d'aller à 336 000 à l'heure. C'est un petit peu moins rapide parce qu'il y a juste deux moteurs Pratt & Whitney dessus, moteurs réaction dessus. Juste deux. Puis ils ont même, il y a une vidéo sur YouTube, c'est les deux en même temps qui coursent un contre l'autre. Les gens se bouchent les oreilles tellement que ça fait du bruit. Là. Ça doit être débile là-bas. Ouais, ça doit. Oh, j'ai aucune misère de croire. C'est faut que tu te mettes des bouchons, sinon c'est sûr que les tympans te percent. Parce que c'est débile. Puis lui aussi, il crache autant de feu. Là. Les flammes sont aussi grosses que lui. Ça peut être impressionnant à voir. Parce qu'il me semble que la vidéo que j'avais vue, c'était de nuit en plus. Là. De nuit, ça a l'air encore plus spectaculaire. Ça a l'air d'une boule de feu. Là, ouais, exactement. Puis ça doit être impressionnant à voir. Parce que. Mais c'est sûr que ça fait un train d'enfer aussi, parce que c'est trois moteurs réaction. Faut vraiment se boucher les oreilles quand ça part. Ouais. Mais il y a aussi, il y a les camions réguliers qui en font aussi des courses d'accélération. Il n'y a pas seulement les courses des camions modifiés. Il y a aussi des camions normales. Comme par exemple, aussi au Québec, il y a un circuit, comme ils vont souvent en Beauce ou en Abitibi. Pour des courses d'accélération qui soit se font sans une charge ou avec une charge. La plupart c'est des camions qui n'ont pas été vraiment modifiés, mais il y en a certains qui le sont. Puis c'est quand même assez impressionnant à voir. La plupart sont quand même allumés un petit peu. Ouais, un petit peu. Ils ont des règlements à respecter parce que j'ai lu la liste des règlements, puis c'est quand même assez strict. Mais sauf qu'il y en a certains qui ont dû ouvrir leur moteur, puis ça, puis. Mettre des turbos, puis toute la patente, mais quand même, c'est assez impressionnant parce qu'il faut qu'il monte une côte en plus. Là, je sais pas si c'est tous les circuits, mais celui-là à Saint-Joseph, c'est une petite côte, il faut qu'il monte. Puis, il y en a qui vont, il y en a qui demandent tellement au moteur qu'il y a des formes qui sortent dans les tuyaux d'échappement, puis des fois, c'est le devant qui lève. C'est quand même assez impressionnant, puis ça va quand même assez vite. C'est une côte qui... Sur un chemin qu'il y a beaucoup de gens sur le bord de la route. Alors, quand les camions passent, c'est qu'ils vont quand même assez vite, puis près des gens. C'est quand même assez impressionnant à voir. Mais ça doit voir quelque chose de si gros que ça passer à... Je sais pas moi, ça pogne quoi, 150, 160, 200 000 à l'heure? Peut-être 120 000 à l'heure. 120 000 à l'heure? La distance n'est pas assez longue non plus. Ah, c'est ça. Ça va être assez impressionnant pareil de les voir aller. Ah, c'est oui. Les voir venir, c'est pas comme une voiture. Là. Puis, mais il n'y a pas juste des courses d'accélération dans les camions, aussi des courses sur des circuits. C'est plus en Europe que ça se produit, par exemple, des camions là, sur des circuits de voitures comme le circuit Formule 1. Ça a commencé aux États-Unis. C'était sur des pistes ovales avec des camions stock qui faisaient des courses sur une piste ovale qui attendaient à peu près 150 000 à l'heure. C'est une piste ovale. OK. C'est quand même pas pire en camion. Oui, en camion. Puis, ça prend de la place, un camion. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est les voir sur un circuit routier qui est fait pour les courses automobiles des voitures. On va à peu près 12 camions sur le fil d'arrivée. Puis au premier virage, disons que ça se bouscule pas mal. Ça doit pas prendre une courbe aussi... ça doit pas être aussi élégant qu'une voiture quand non, ça prend une courbe. Vraiment non. Pas. C'est très gros. Puis quand c'est 12 dans le même virage, le premier virage qui d'habitude est pas mal très serré, il y a souvent des collisions, de l'accrochage, puis des bouts de carrosserie qui sautent, puis ça joue fort, ça joue dur. Puis ce qui est très impressionnant, c'est que lorsque les camions arrivent dans un virage et freinent, il y a beaucoup de fumée blanche. Les gens vont penser ben c'est la surchauffe des pneus, qui bloque les roues. Mais c'est que les freins des camions, vu qu'il y a tellement une charge dans le camion puis une demande pour le freinage, faut que les freins doivent être fonctionnent avec de l'eau. C'est de l'eau qui est comme pulvérisée sur les freins pour les refroidir. Okay. Donc ça fait vraiment de la boucane blanche quand ils freinent. C'est quand même assez impressionnant parce qu'un gros camion comme ça qui freine un virage qui doit être très serré, c'est... On entend souvent crier des pneus. Là. Ils sont obligés de crier des pneus parce que sinon, c'est dans le champ, puis c'est fini la course. Ça doit. Fait que c'est des camions qui ont... Fait que c'est une course qui est très demandante pour les camions, mais qui est très spectaculaire à voir aussi. Ça doit être très demandant sur les pilotes aussi, m'en disais. Je pense que c'est le truc en entier qui doit être très demandant, là, puis qui ne doit plus rester grand-chose à la fin. Là. ce qui est le fun, c'est que les pilotes, ben c'est rare qu'il y ait des gens qui se blessent. Vu qu'ils sont hauts, il n'y a pas beaucoup de gros accidents, de blessures avec les accidents. Ouais, mais ça reste que ça doit pas être confortable. Ça doit brasser, C'est pas comme un camion normal, c'est sûr que ça doit brasser assez fort. Là. Ouais. Moi, même un camion normal passe déjà. Donc... Ça doit être encore pire. Martin, il est bien placé pour en parler. Ben oui, c'est ça. Oui, ben oui. il fait ça comme travail, camionneur. Fait qu'il doit le savoir. Hein. Mais ça tente pas à faire une course de camion? Ça pourrait être très intéressant. Autre que celle qu'on fait déjà sur des chantiers hors de la route, voyons. Mais genre, je sais pas, faire un circuit routier avec un camion, ça t'intéresserait pas? Ça serait très intéressant. C'est les opportunités qui manquent, par exemple. Parce que ça doit pas être la même conduite que dans une voiture de course, certain. Là. Surtout non. Quand t'es plus haut, puis c'est pas la même transmission, puis ça, c'est pas les mêmes même choses. Mais donc, on parle avec le trailer ou pas de trailer? Il y a pas de trailer. Le circuit routier, il y a pas de trailer. Où je vais avec un trailer? Boy! Je sais pas comment on va avec des trailers. Imaginez que les courbes, là, c'est sûr qu'il faut qu'ils se mettent dans la voie de complètement à gauche pour virer à droite. Là. À 12 d'une courbe avec, ouais. Avec un trailer, ça serait cœur. Je veux voir ça. Il y en a qui sortent l'autre part. Hey. Non, non, tu vas avoir des demi-trailers, mais que tu arrives à la fin de la, la fin de la course. Non, mais c'est quand même assez impressionnant de voir ça. Les, des grosses machines, c'est un petit circuit pour voitures. Que les voitures, c'est quoi? C'est tout petit. Ouais. C'est impressionnant. Ça doit être oui. quelque chose à voir. Les camions qui doivent aisément dépasser les 1500 chevaux. Là. Ça doit être quelque chose. Ouais. J'aimerais bien ça aller en Europe aller voir une course de camions comme ceux-là. Ah, on sait jamais, peut-être un jour. Peut-être un chance. Jour. Ouais. Peut-être un jour on va venir ici en Amérique, mais dans mes recherches, j'ai pas vraiment vu de circuit comme celui-là en Europe. C'est que c'est pas les mêmes manufacturiers. Ceux qui sont habitués de faire ça au départ ont aucun marché ici. Là. Exactement. C'est d'aucun intérêt pour eux au départ. Non, c'est ça. Mais c'est aussi que la Syrie aussi. Il y a peut-être des chances parce que la Syrie est surveillée par la FIA. Ah, OK. Fait que peut-être que si jamais il y a des pourparlers, peut-être qu'on aurait peut-être une chance d'avoir une course ici en Amérique, mais quand même, comme disait Martin, les constructeurs. Des démonstrations. Exactement, peut-être. Une course de démonstration. Peut-être à Austin, peut-être, tu sais, montrer. Je veux dire, le nouveau circuit de Formule 1 là-bas, on peut peut-être l'essayer là-bas. Ça serait peut-être intéressant. Ben, juste une fois, juste pour le plaisir. Exactement. Juste voir les camions se faire rentrer dedans dans la première courbe. Là. Ça suffit. Les Américains aiment bien ça, voir de la casse. Du bing-bang rentre dedans. Exactement. Ouais. Moi aussi d'ailleurs, mais je m'en cache pas. Mais c'est ça. Mais, j'espère un jour avoir la possibilité d'avoir une de ces courses-là. Bon, ben, on te le souhaite. Peut-être qu'un jour, si jamais ça vient ici, ben, tu pourras toujours y aller. Sinon, ben, tu te paieras un petit voyage en Europe avec ta blonde. Pis, exactement. Tu y feras à croire que tu pourras aller manger des croissants à Paris. Ça. Je vais faire ça, ouais. Parce que je pense que tu devrais aimer ça. Ça va aller sentir le gaz. Exactement. Bon, ben, merci Jean-François. C'est plaisir. Bon, ben, là-dessus, messieurs, on va terminer ça pour l'instant. Si les gens veulent vous écrire, vous communiquer, comment fait-on cela, Jean-Benoît? Sur Twitter, @realitéhug, c'est le compte officiel de la réalité augmentée. Autre podcast que toi et moi, Luc, on fait ensemble. Mais bien sûr. Sinon, mon compte officiel à moi, personnel, @gangji_b. C'est aussi simple que ça. Puis les gens de Passion FM peuvent t'écouter sur le show du matin parce que c'est comme toi qui l'anime. Voilà, exactement, en semaine de 6 à 9. Parfait. Et toi, Martin? Oui, ben moi, on peut me joindre sur la plupart des réseaux sociaux sous mon nom, Martin Sagala, ou sur mon site pointdevue.com sans le E. C'est beau. Si vous voulez aller voir, on a mis l'article de Martin sur son petit périple en voiture diesel de Montréal jusqu'à Sault-Sainte-Marie. C'est sur la page principale du podcast auto.ca ou aussi sur le site que Martin vient de donner, le pointdevue, pas de E. .com, vous allez pouvoir lire ça sur les deux sites. C'est très intéressant. Il y a quelques petites photos, donc allez voir ça si ça vous intéresse. Puis toi, Jean-François, si les gens veulent te rejoindre, ils font ça comment? Sur Twitter, à commercial JeffLIEU. Et sinon, j'ai mon blog à jeffbonlieu.ca. Parfait. Et moi, si vous voulez me rejoindre sur Twitter, c'est @scalazormo. Il y a aussi le compte du podcast auto qui est @podcastauto. Puis vous pouvez nous écrire à lepodcastauto@gmail.com. Donc là-dessus, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette autre émission. Puis ben, on vous dit à la prochaine. Bye. Bye bye. Bye. Salut.